Lost in Space, comme tous les dimanches, 21h, votre rendez-vous rock, punk, musique expérimentale. Aujourd'hui, retour vers le passé, les Super Sounds of the 70s. Imaginez, vous êtes en décembre 1979, Radioactive existe déjà, ce qui est de la science-fiction, vu que ça a été créé bien après. Mais partons du principe que Lost in Space et Radioactive existent. Voilà ce que vous auriez pu écouter en cette fin de décennie 70. Donc, que des vieux morceaux. Allez, c'est parti. I'm Maintenant, même si j'en avais l'envie, il serait trop tard pour reculer. André et moi avons sollicité cette mission. L'autorisation que j'ai demandée, de concert avec lui, est à l'heure actuelle devenue un ordre. La voie hiérarchique parcourue, des influences mobilisées au ministère, tout cela pour ensuite avoir peur, renâcler devant l'entreprise. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep. sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run away. leaves herself wide open to let the insects in. She leaves a trail of honey to show me where she's been. The blood of reptile just underneath her skin. Seeds from a thousand others drip down from within. Oh, my beautiful liar. Thank you. Twiggy. Twiggy. Trent, of course. Atticus. And, of course, Peter Murphy. On nous avait promis l'an 2000 pour dans 4 ans. Force nous est de constater que rien de ce qui était prévu par nos plus belles autorités civiles, militaires ou papales ne s'est réalisé. Pas de soucoupe volante, pas de gratte-ciel démesuré avec notre nom en lettres de néon au sommet, pas de légumes nouveaux et surtout pas d'abolition du travail au profit de cette vie de loisirs à laquelle nous aspirons tous et que nous méritons tous. Nous sommes écureuils. will you be my baby? Will you be my baby? Da-da-da-da. I heard it through the grapevine. Now much longer. Will you be my baby? Da-da-da-da. I heard it through the grapevine. Much longer. Will you be my baby? De la bête que nous attendions aussi, un peu perplexe ou légèrement craintif, la bête au front cabossé de 999, car elle est couchée sur le dos, exposant ses génitoires. 999, 999 en tudesque, comme le scande le plus nain des nains dans le film de Herzog, et c'est bien une preuve Quid de ce monde atroce que l'on nous promettait de gélu en gélu? Brunner, Spinrad, Kadic, infect mais excitant. J'ai lu récemment dans une supérette, j'ai lu sur un emballage tampon récurrent, quand c'était piètrement récurrent ANT. Passenger, we'll ride through the city. see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. And he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride. Il faut que cela cesse. Il nous reste 4 ans à peine, pour rejoindre nos rêves et ceux de nos aïeuls. 4 ans pour attirer enfin ici ces satanés extraterrestres et se foutre avec eux des pénis mémorables avant de se réconcilier devant l'invasion des extragalactiques ou le retour des morts-vivants limbiques, qui entre nous sont de vulgaires toasts, j'ai vu ça à la télé. Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling.

And you know what they said? Well, some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? On nous avait promis des nouveautés, des monts et des merveilles, et ce ne fut à peine que Roupie de Sansonnet. Nous sommes découragés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, at the screen on the green light. Up inside, I lift everything out. taking off into the night. In the morning, man, she reeks of sex. And she fucking smells the booze. She was out fucking. Man, she was out fucking. She was out fucking. Trying to hurt me, make me cry. Nous étions prêts à consentir des efforts considérables, à accomplir même quelques heures supplémentaires. Désormais, le dépit nous anime et ses mous tentacules. Ça nous anime mollement, très mollement, à bons entendeurs. We'll be right back. she was mad, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through. Street. Another girl in the neighborhood. When she was mine, she looks so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. Et sans doute notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion, mais ce qui est profane, c'est la vérité. Mieux, le sacré grandit à ses yeux à mesure que décroît la vérité et que l'illusion croît, si bien que le comble de l'illusion est aussi pour lui le comble du sacré. Feuerbach, préface à la deuxième édition de L'essence du christianisme. 1, 2, 3, 4! Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. The guys that surf on them, they're going to the discotheque. Upon rock of night.

try to make the big time. Take me on a roller coaster. Take me for an airplane ride. Take me for a 6-day maneuver. Don't you throw my pride aside. For it's real and make believe. Baby James and Acapulco, we are flying down. You're so chic, teeny travel of the week. Flavors of the mountain streamline, midnight blue casino floors. Dance a cha-cha through the sunrise, opens up exclusive doors. Oh wow, just like the mingos look the same. So me and you, just we two, got to search for something new. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être établie. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que pseudo-monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve accomplie dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'est menti à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. met her in a club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola, C-O-L-A Cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Le spectacle se représente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est expressément le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Du fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. You too. Bad dreams in the night. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. The Indians send signals from the rocks above the pass. The cowboys take position in the bushes and the grass. The score is with the corporal, she is tied against a tree. She doesn't mind the language, it's the beating she don't need. She lets loose all the horses when the corporal is asleep. And he wakes to find the fire's dead and arrows in his axe. And Davy Crockett rides around and says it's cool for cats, it's cool for cats. The Sweeney's doing 90 cause they've got nowhere to go. They get a gang of villains in a shed up at Heathrow. They're counting out the fivers when the handcuffs lock again. In and out of Wandsworth with the numbers on their names. It's funny how the missus always looks a bleeding sane. And meanwhile at the station there's a couple of likely lads who swear like as your father and they're very cool for cats, they're cool for cats. Change the mood a little, I've been posing down the pub. I'm seeing my reflection, I'm looking slightly rough. I fancy this, I fancy that, I wanna be so flash. I'll give a little muscle and I'll spend a little cash. But all I get is bitter and a nasty little rash. And by the time I'm sober, I've forgotten what I've had. And everybody tells me that it's cool to be a cat, cool for cats. The questions that she hangs onto the wall. I kiss her for the first time and then I take her home. I'm invited in for coffee and I give the dog a bone. She likes to go to discos but she's never on her own. I said I'll see you later and I'll give her some old chat. But it's not like they on the TV when it's cool for cats, it's cool for cats. Thank you. Le spectacle ne peut être compris comme l'abus d'un mode de la vision, le produit des techniques de diffusion massive des images. Il est bien plutôt une Weltanschauung devenue effective, matériellement traduite. C'est une vision du monde qui s'est objectivée. You've done it all. You've broken every code. Appalled the rebel to the floor. You spoke the game, no matter what you say. But only metal, what a ball. There's nothing left, all gone and run away. Maybe you'll tarry for a while. It's just a test, a game for us to play. Win or lose, it's hard to smile. As you would have just seen, number four in this week's chart is from The Jam, and here they are with the Eton Rifles. Sup up your beer and collect your fights. There's a row going on down this slough. Get out your mat and pray to the west. I'll get out mine and pray for myself. You were smart when you took them on, but you didn't take a peep in their artillery room. All that rugby was hairs on your chest. What chance have you got against a tie and a crest? Hello, hooray! What a nice day for the Eton Rifles. Eton Rifles. Hello, hooray! Our range must play. Eton Rifles. clever when you lit the fuse. Tore down the House of Commons in your brand new shoes. Composed a revolutionary symphony that went to bed with a charm in your feet. With the Eaton Rifles, and of course with the Jam. Your auntie said, take your day out, the rest smells nice. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. Forme et contenu du spectacle sont identiquement la justification totale des conditions et des fins du système existant. Le spectacle est aussi la présence permanente de cette justification en tant qu'occupation de la part principale du temps vécu hors de la production moderne. Jive. Don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, same with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV when I got Stones, we never got it off on that revolution stuff. What a drag! Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed.